c'est bien pareil dans le fond, toutes ces réflexions sur la vie. C'est bien pareil sur le ton que tu dis les choses de la vie. Il n'y a plus un qui d'âme qui ne suive pas le macadam. Ça fait une paille qu'il n'a plus de travail. Il n'y a plus d'âme qui ne réclame pas sa cam. N'oublie pas, la liberté n'est pas aimée. Il n'y a plus de fraternité, alors l'égalité. Comme en Chine, les torts s'alignent, les anges chignent. Comme en Chine, les pierres s'alignent. Es-tu certaine? Oui, mais où est l'Élysée? Et tu gueules, tu gueules, tu gueules, tu gueules.